Je profite du fait que nous sommes dans une période dans laquelle il y a des fêtes de mécréants qui arrivent, des fêtes chez les mécréants, et vous qui vivez en France êtes exposés à ces jours de fête chez les mécréants. Donc je profite de cette occasion pour vous lire une fatwa de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants d'Arabie Saoudite. Et cette fatwa concerne le statut de l'islam sur le fait de féliciter les mécréants pour leur fête. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen a été interrogé sur le statut dans l'islam, a été interrogé sur le statut de féliciter les mécréants pour la fête de Noël et comment nous devons leur répondre. Si eux, ils nous souhaitent une bonne fête pour cela, pour Noël, et est-il permis d'aller dans les endroits de fête, dans les endroits de fête qu'ils font à cette occasion, et est-ce que la personne prend un péché lorsqu'il fait une des choses qui ont été citées sans avoir pour autant l'intention de vénérer leur fête, mais qu'il fait cela simplement par complaisance ou par pudeur ou bien par gêne ou autre parmi les raisons ou pour toute autre raison, est-il permis de les imiter dans cela? Donc ceci est la question qui a été posée à Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Uthaymeen, il répond. Et il dit, le fait de féliciter les mécréants pour la fête de Noël ou pour autre fête parmi leurs fêtes religieuses, ceci est interdit à l'unanimité. Tout comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre, Les règles des gens de la dhimma, c'est-à-dire les gens. Les non-musulmans qui vivent dans un pays musulman. Les règles concernant les non-musulmans vivant dans un pays musulman. Et donc, dans ce livre, Ibn al-Qayyim, il dit, comme nous rapporte Cheikh Al-Uthaymeen, que Ibn al-Qayyim, il dit, quant au fait de féliciter les gens pour les rites de mécréance qui sont spécifiques à eux, ceci est interdit à l'unanimité, comme le fait de les féliciter pour leur fête et leur jeûne, en leur disant bonne fête, ou en leur disant que tu te réjouisses dans cette fête, dans ce jour de fête, ou autre parmi les termes utilisés pour les féliciter de leur fête. Ibn al-Qayyim, il continue et il dit, la personne qui fait cela, si jamais certes il a été, il s'est pré si par exemple il se préserve de la mécréance, quoi qu'il arrive, ceci rentre dans les interdits. Et ceci est au même degré que le fait de les féliciter pour la prosternation à la croix. Et même ceci est encore plus grave comme péché auprès d'Allah. Et c'est encore plus abominable que le fait de les féliciter pour la boisson d'alcool ou le meurtre ou la fornication et autres. Et beaucoup Beaucoup de personnes pour qui la religion n'a pas de valeur tombent dans ce genre de choses et ils ne savent même pas la gravité de ce qu'ils ont fait. Quiconque, termine Ibn Qayyim, il termine en disant, quiconque félicite quelqu'un pour un péché ou pour une innovation ou pour une mécréance, il s'est certes exposé à la haine d'Allah et à sa colère. Cheikh Al-Uthaymeen dit ici, c'est ici fin de citation de la parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah. Puis Cheikh Al-Uthaymeen, il continue dans la réponse à cette question et il dit, le fait de féliciter les mécréants pour leur fête religieuse est interdit. Et le fait que ça atteint le degré qu'a cité Ibn Qayyim, c'est parce qu'il y a là-dedans le cautionnement de ce sur quoi ils sont comme rite de mécréance. Et il y a là-dedans un agrément de ce qu'ils font. Même si la personne qui dit cela, lui, il n'agrée pas la mécréance pour lui-même. Mais le fait de les féliciter, ce que Cheikh veut dire, le fait de les féliciter, il rentre quand même dans un interdit. Puis il dit, Cheikh, que donc il est interdit aux musulmans d'agréer les rites de mécréance et de féliciter quelqu'un pour cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas cela. Comme il a dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, si vous mécroyez, certes, Allah se passe de vous. Il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant envers lui, il l'agréera pour vous. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction rapprochée du sens du verset, il dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli mon bienfait entier à votre égard et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc, Cheikh, il dit, le fait donc de les féliciter pour cela est interdit. Que la personne soit associée à eux dans le travail ou non, que ce soit des collègues de travail ou non. Puis ensuite, Cheikh, il dit, et si jamais eux, ils nous félicitent et ils nous souhaitent une bonne fête pour leur fête, nous ne devons pas leur répondre à cela, car ceci ne fait pas partie de nos fêtes. Et parce que ce sont des fêtes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Et également, ce sont des fêtes qui sont soit innovées dans leur religion, ou soit qui ont été légiférées au début, mais qui ont été donc abrogées par la religion de l'islam, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed à toute l'humanité. Et il lui a dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Quiconque désire une religion autre que l'islam, ceci ne sera point accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Et le fait que le musulman réponde à l'invitation, aux invitations dans cette occasion, est interdit, car ceci est encore plus grave que le fait de les féliciter et de leur souhaiter une bonne fête pour cela, car lorsque tu vas assister et répondre à leur invitation là-dedans, Cheikh dit, tu vas donc être associé et tu vas participer à cette chose-là. Également, Cheikh dit, il est interdit aux musulmans d'imiter les mécréants en faisant des fêtes à cette occasion, c'est-à-dire aux occasions des fêtes religieuses des mécréants. Donc il leur est interdit de faire des fêtes pour cela, ou de s'échanger des cadeaux, ou de distribuer des sucreries et des gourmandises et des pâtisseries, ou de présenter des plats, ou de ne pas travailler, et autres parmi les choses que les mécréants font durant ces fêtes, il est interdit aux musulmans de les imiter là-dedans. Conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quiconque imite un peuple, il fait partie d'eux. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit dans son livre « Iqtida al-Sirat al-Mustaqim »« Mukhalafatu ashabil jahim. Il dit le fait de les imiter dans certaines de leurs fêtes, ceci entraîne la joie dans leur cœur par rapport à ce sur quoi ils sont comme faux. Et peut-être même ceci leur fait espérer qu'ils pourront attendre la bonne occasion, c'est-à-dire pour appeler les gens, pour inviter les gens à leur religion et pour rabaisser les faibles. Cheikh Al-Uthaymeen dit, c'est ainsi que se termine la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et donc Cheikh il dit, quiconque fait donc une chose de cela, qui a été cité dans la question, il prend donc un péché. Qu'il le fasse par complaisance, ou bien pour rechercher leur satisfaction et leur amour, ou qu'il le fasse par pudeur, ou autre, parmi les causes, ou pour toute autre raison, dans tout cela, celui qui fait cela, il prend un péché, car ceci rentre dans le fait de faire des concessions dans la religion d'Allah. Et ceci est une des causes qui renforce les mécréants dans leur conviction et les rend fiers de leur religion. Et là, je précise qu'il est une religion donc, yani, fausse et qui n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis à la fin, Cheikh, il termine en disant, certes, Allah est celui à qui nous demandons d'honorer les musulmans par leur religion et de leur accorder l'affermissement sur leur religion et qu'il leur donne la victoire sur leurs ennemis. Il est certes le puissant, le fort. C'est ainsi que se termine donc la fatwa de Cheikh Al-Uthaymeen. Et dans un autre audio que j'ai écouté, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, et si quelqu'un nous dit, oui mais eux, ils viennent et ils nous souhaitent bonne fête lorsque ce sont nos fêtes de l'Aïd, que ce soit l'Aïd, Aïd al-Fitr, après le Ramadan, ou que ce soit Aïd al-Adha, qui est appelé ici également l'Aïd al-Kabir. Donc il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, si quelqu'un nous dit que oui, mais eux, ils nous souhaitent bonne fête pour nos fêtes religieuses. Alors, Cheikh, il dit, la différence, c'est que nous, nos fêtes, elles sont légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les agrée. Et Allah les agrée. Tandis que leurs fêtes, comme il a dit également dans cette fatwa, et il l'a redit également dans l'audio que j'ai écouté, Cheikh il dit, quant aux fêtes des mécréants, soit ce sont des fêtes innovées, c'est-à-dire qui ne font même pas partie de leur religion à l'origine, ou soit ce sont des fêtes qui faisaient partie de leur religion à l'origine, mais vu que leur religion a été abrogée par l'islam, donc ce sont des fêtes qui sont aujourd'hui abrogées, donc nous n'avons pas à leur souhaiter bonne fête pour ces fêtes qui sont innovées et qui ne font pas partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc c'était une petite introduction avant de rentrer dans le cours d'aujourd'hui, car comme vous savez, pour les mécréants c'est bientôt la fête de Noël, puis après ils fêtent également le jour de l'an, et toutes ces choses sont des choses dans lesquelles le musulman ne doit pas imiter les mécréants, il ne doit pas participer à cela sous aucune forme.